juste l'un d'eux. Sur le chemin étroit des quatre saisons, j'écris avec mes cinq sens. Juste l'un d'eux, sur le chemin étroit des quatre saisons, j'écris avec mes cinq sens. La liberté n'a pas de prix, mais la vie de soumis l'oublie. Je parle avec le cœur et j'écoute où rime et tout mime. Un tas de phénomènes qui ravivent ma légende personnelle. Je vais traverser le monde et ramener le soleil pour éclaircir un morceau de mon âme. Et tout ce que j'ai été résistera au cycle automnal. Ma plume comme élixir, j'ai des kilos d'écrits au programme. Je vais graver le temps du bout de ma pierre philosophale. Là où la vie rime avec sacrifice, je ne ferai pas la guerre au nom du pacifisme, hein. Paix à leurs âmes, ce n'est pas fini. Ma plume en or se forge au cœur de l'exalchimiste. Je ramènerai le soleil, ce n'est pas fini. Je reviendrai l'année prochaine, ce n'est pas fini, hein. J'ai des projets à développer, ce n'est pas fini. De mes écrits aux œuvres signées par Nizi. L'homme qui dort la tête sur un dico au pied d'Arsicomore. L'homme qui dort la tête sur un dico au pied d'Arsicomore. On n'est jamais ni trop vivant ni trop mort. Santiago, je me suis décerné le micro d'or. En bas de l'échelle et personne ne sait ce qu'il m'attend là-haut. Un simple battement d'ailes et je cause la langue des oiseaux entre eux. Le désert, les plaines décorées de pomelo. En quête de moi-même, j'ai pas donné ma peau au torero. Trop de fausses éloges, j'ai trop d'hommes, ont vraiment trop d'ego. Et je me remémore le trésor de Paulo Coelho. Le monde à l'envers, je m'apprête à découvrir la dernière couche de l'or. Apprécier la lumière, être à l'écoute de l'autre. Là où la vie rime avec sacrifice, je ne ferai pas la guerre au nom du pacifisme, hein. Paix à leurs âmes, ce n'est pas fini. Ma plume en or se forge au cœur de l'exalchimiste. Je ramènerai le soleil, ce n'est pas fini. Je reviendrai l'année prochaine, ce n'est pas fini, hein. J'ai des projets à développer, ce n'est pas fini. De mes écrits aux œuvres signées par Nizi. L'homme qui dort la tête sur un dico au pied d'Arsicomore. L'homme qui dort la tête sur un dico au pied d'Arsicomore. On n'est jamais ni trop vivant ni trop mort. Santiago, je me suis décerné le micro d'or.